Alors donc, ouais. Je suis content de voir que malgré la longue interruption et à peu près le même public, plutôt extérieur à l'épaule, je dirais. Donc, et donc c'est vrai qu'on a, nous n'avons pas réussi à nous implanter ici, donc c'est peut-être pas un hasard que nous devons quitter ce lieu que je pense que nous avons plutôt squatté que plutôt que d'être vraiment parti. Et donc je vous rappelle donc que je devrais continuer le même séminaire sur une troisième année l'année prochaine au Collège international de philosophie, mais au deuxième semestre, donc ça veut dire ça va donc être donc presque peut-être dans 9 ou 10 mois. Donc c'est, ben là, vous trouverez évidemment les informations sur le livret ou le site du collège. De toute manière, je pense que la presque totalité de vous participe aux activités d'écrit et critique, et de toute manière, on va se voir bien avant même. Et en ce qui concerne moi personnellement, je vous rappelle aussi que je devrais participer le 24 mai à un débat à la mairie du deuxième, donc le même genre de débat auquel j'avais dû renoncer il y a quelques mois avec le débat avec Dufour. Maintenant, c'est donc pas avec cette précision. Hein. C'est l'année, les mois prochains. Oui, oui. Le 24 juin. Oui. Le 24 juin. Et donc, je devrais faire un débat avec Jérôme Bachet autour de son livre, du livre qu'il a publié avec La Découverte. Donc, il se trouve que je suis libre ce jour-là, et donc on devrait faire le débat à la mairie du deuxième. Et à quelle heure? En 20 heures, je crois, je ne sais pas trop. Donc c'est le même cycle, c'est une espèce d'université populaire, donc c'est le même cycle où j'aurais déjà dû faire le débat avec Dufour au mois de février ou de mars, je crois, lorsque j'avais dû y renoncer. Alors, donc la question, qu'est-ce qu'on va faire avec la dernière séance? Je sais, donc il y a... Donc le débat avec l'OROF, auquel je pense presque tout le monde va aller, donc ça commence déjà à 19h, donc ça veut donc dire que la plupart des gens donc, voudraient peut-être partir plus tôt. Ouais. Et donc alors on va peut-être quitter ici le lieu vers 18h30. Et alors, d'un côté, donc j'ai... Il serait peut-être bon d'utiliser cette dernière séance pour faire un peu un bilan, peut-être pour répondre aux questions. À chaque séance, j'avais promis de laisser du temps, une demi-heure pour le débat, et finalement, en général, cela se réduit à 10 minutes. Peut-être suis-je trop bavard, mais il se trouve aussi que malgré tout cela, donc après 2 ans, je n'ai pas terminé ce que j'avais annoncé la première année pour la seule première année. Donc, et d'ailleurs, un des sujets qui finalement était presque le pivot effectivement de tout le séminaire, donc c'est la question des tueurs fous ou de l'amok comme certaine manière, comme expression symbolique concentrée de l'irrationalisme de la société de la valeur, on n'est même pas arrivé à cette conclusion. Donc j'avais pensé d'en parler peut-être un peu aujourd'hui, mais peut-être juste la première heure, peut-être aussi en faisant appel à Gérard, qui a également lu le livre, parce que c'est un livre donc, qui n'est pas traduit en français. C'est aussi une autre raison pour laquelle je voudrais en parler, tandis que la dernière séance, j'avais souvent aussi résumé du livre, commenté, de livres que quand même tout le monde a lu ou pu lire, comme le livre de Dufour, de Lèche, de Marcuse, de l'autre auteur traduit. Ici, justement, j'avais prévu de parler de cet auteur Heisenberg, et comme d'autres auteurs allemands comme T.B. Light, justement, parce qu'ils ne sont pas traduits, donc j'espérais vous rendre service en faisant quelques résumés. Et donc, il est peu tard pour le faire, au moins, je vais juste commencer peut-être aujourd'hui, donc ce serait pour l'année prochaine. En même temps, j'espère toujours de trouver même un éditeur français pour cette... C'est un très bon livre. Oui, donc je l'ai toujours mis en tête à la liste des volumes à publier lorsque les éditeurs me demandaient des conseils et m'appelaient. Le livre qui s'appelle... Oui, même si c'est dans les manques, je vais le faire prévenant. Oui. Ben, le texte est Amok Kinder der Kälte. Amok, donc, les enfants du froid. Oui, les enfants du froid. Alors, je vais les dire... sujets modernes sont, oui. sont glacés. Oui, donc je vais dire deux mots. Alors, d'abord sur. Et donc, ah ben, je vais quand même arrêter vers 5 heures, comme ça on aura encore un peu de temps pour faire quelques entre. Qu'est-ce oui, entre. Quelques autres questions. Oui, oui. Aujourd'hui, j'ai quelques problèmes avec le ton abstrait. Oui. Ouais. Et... Donc, alors, on était dès le début, donc, effectivement, lorsque j'avais conçu ce séminaire il y a 2 ans, j'avais justement donné un certain poids à la question de la violence aveugle, de la violence, disons, avec un terme plus érudit qu'on peut appeler autotélique, donc une violence qui n'est pas une violence qui est une moyenne pour obtenir quelques buts, mais où ce but est absent, de toute manière absolument, où la violence est de toute manière absolument. Disproportionné par rapport au but, où la violence semble devenir une espèce de langage, une langage entier. Et justement, je voulais présenter cette forme de violence comme une expression, disons, symbolique, mais aussi peut-être la plus concentrée qui soit, de cette logique du vide qui est à la base de la société fétichiste marchande. Et donc cette thématique devait encore prouver un peu ce que je tente aussi de dire depuis le début, comme toute la critique de la valeur, donc que cette thèse de base, que le capitalisme n'est pas une entreprise peut-être moralement condamnable, mais quand même certaines manières rationnelles, où des personnes défendent leurs intérêts en imposant leurs intérêts matériels et à d'autres individus. Là, c'est la vision... La vision qui a son pivot dans le but de classe. Tandis qu'une conception du capitalisme qui insiste surtout sur la dimension fétichiste voit donc dans le capitalisme essentiellement donc une entreprise finalement irrationnelle et autodestructrice. Donc une entreprise qui finalement ne profite à personne. Une entreprise donc qui effectivement naturellement qui a aussi ses gérants et ses victimes, c'est évident, mais qui n'est pas une domination personnelle, mais qui est finalement une espèce de machine qui s'est emballée de manière visible dernièrement, mais justement qui portait cet irrationalisme qui est depuis ses débuts. Là aussi j'ai beaucoup insisté sur cet aspect. Vous avez vu, donc le problème n'est pas seulement la phase néolibérale actuelle, ce n'est pas seulement le capitalisme qui est devenu fou, mais le capitalisme porté, cette espèce de folie, depuis les débuts, dans son noyau même. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que les autres sociétés précédentes n'avaient pas d'autres types de folie. Il faut aussi dire, même personnellement, je suis revenu de l'idée d'opposer le capitalisme à d'autres formes de sociétés plus saines. Je pense, comment de plus en plus, c'est peut-être, il y a peut-être une folie dans le genre humain qui simplement s'exprime de manière toujours plus dangereuse parce qu'il est toujours plus équipé technologiquement. Mais maintenant, c'est une considération un peu métaphysique. Donc, revenons donc un peu au capitalisme. Donc le capitalisme essentiellement comme une entreprise qui finalement n'a pas de véritable but, ou même le but des individus ou des classes sociales, qui peuvent paraître des buts rationnels, donc surtout le profit, sont finalement de certaines manières des exécutions d'une loi inconsciente qui est derrière tout cela, qui est l'autoreproduction du travail abstrait, et donc qui est un processus qui n'a absolument pas de véritable finalité. Donc ben, on a beaucoup insisté ici sur ça, mais je vous rappelle quand même toujours que cette approche est quand même très différente finalement de tout marxisme traditionnel et de la presque totalité de sciences sociales. Donc cette idée qu'il y a donc un processus qui dépasse complètement les acteurs, qui est un processus absolument négatif et destructeur. Et alors, l'expression la plus concentrée est justement ce phénomène que Heisenberg appelle amok. Alors, je veux introduire un moment ce terme, parce que amok, ce n'est pas un mot allemand, c'est venu de la langue malaisienne. Du malais, oui. Donc, où ce phénomène avait été décrit déjà pour les ethnologues du 19e siècle. Donc, c'est une forme de violence ritualisée. Donc, il semble que c'est une société qui, en général, est plutôt pacifique, mais où il arrive de temps en temps qu'un individu est pris par une espèce d'accès de folie. Donc, normalement, il prend un couteau et il commence à parcourir le rue du village, justement en criant Amok, Amok, et simplement en tentant de tuer tous les gens qu'il trouve sur son parcours. Et donc, normalement, il finit ou par être tué par les autres ou par se tuer soi-même. Donc, c'est une explosion de violence qui, en général, donc, n'a pas de raison visible, même si on ne connaît pas les détails. Moi, c'est peut-être un individu qui pense qu'il a subi quelque injustice, mais ce n'est pas lié chez eux à des situations particulières, des conflits comme des guerres. Et donc, le terme de Amok a été aussi popularisé en Allemagne par une nouvelle de Stefan Zweig dans les années 20. Et donc, ce terme est assez répandu en Allemagne, juste pour indiquer ce genre des accès de folie où un individu commence pratiquement à frapper à l'aveugle tout ce qu'il trouve sur son parcours. Et à ma connaissance, ce terme n'est pas rentré dans d'autres langues. Donc, on parle en France plutôt de... En français, non, on parle plus de tueur fou. D'ailleurs, on n'a pas eu de véritable cas d'amok en France. Et en anglais, on parle plutôt de school shooting, même si cela n'est pas lié nécessairement aux écoles. On parlait aussi de going postal, parce qu'il semble que parmi les premiers exécuteurs de ces actes étaient des employés de poste qui avaient peur qui avaient du courrier, qui avaient perdu leurs emplois déjà dans les années 90. Donc certains sont revenus sur leur lieu de travail et ont commencé à tirer à bout portant sur tout le monde. Alors, la définition d'ailleurs de ces actes, que maintenant je vais continuer à les appeler amok aussi parce que là c'est le mot le plus bref, d'ailleurs n'est pas très facile et même maintenant ne nous embarrassons pas trop avec pour une définition claire parce que après il y a comme beaucoup de cas différents. Par exemple, on peut dire par exemple dans les cas plus typiques, l'amok est quelque chose qui a été longuement prémédité par quelqu'un, mais on trouve aussi d'autres cas où cela arrive spontanément. On peut dire que dans les cas les plus typiques, l'individu frappe à l'aveugle, mais il y a aussi beaucoup de cas où quand même l'individu a voulu se venger d'un endroit ou de personnes dont il avait subi des injustices. Par exemple, typiquement en revenant par exemple à son ancienne école ou en allant à son endroit de travail, surtout après avoir été licencié. Ou encore dans notre cas en Allemagne, au moment où c'est arrivé que quelqu'un a tué le directeur d'une école, d'une agence de chômage, etc. Donc la frontière entre la vengeance privée et l'acte purement, aveugle, ce n'est pas facile à faire, même lorsque c'est aveugle, ce n'est pas complètement le massacre probablement le plus connu, celui des Columbine aux États-Unis. C'était donc deux garçons de 13 et de 14 ans, donc après avoir longuement préparé leurs actes, donc ils sont allés dans leur propre école, ils ont commencé à tirer à l'hasard sur les professeurs et sur les étudiants. Et donc, les actes de ce genre se sont effectivement multipliés dans les dernières années. Donc, oui. Juste pour vous dire, il y en a un qui vient de se produire à Hollywood, je crois. Oui, justement, Lou, il a dit que ce type même, il a même laissé un manifeste. J'ai lu le manifeste. Oui. Alors, l'acte. Alors, les États-Unis restent quand même, c'est-à-dire un peu le lieu d'élection de ces actes, mais on se tromperait donc beaucoup en les attribuant d'une manière exclusive, par exemple, au culte américain pour les armes, parce que donc la même chose. Et donc, après, il y a l'Allemagne, donc je pense dans la hit parade de school shootings et la Finlande. Donc, on peut quand même effectivement noter que ce sont en général les pays protestants et les pays donc, avec la plus ancienne histoire capitaliste qui sont où cela se produit le plus souvent. Après, comme je dis, cela, parce qu'aujourd'hui on a peu de temps, on ne va pas trop se embarrasser avec les différents sous-genres. Est-ce par exemple l'acte de Breivik en Norvège, est-ce qu'on la met dans la même catégorie ou pas? C'est un peu difficile à dire parce que là il y avait quand même une idéologie, une justification idéologique qui manque en vérité à la plupart des amoks. Et il ne s'est pas tué non plus. En plus, il ne s'est pas tué, donc de certaine manière, donc, il n'avait même pas l'intention. Donc cela rend. Il y a un autre aspect très typique des amoks, c'est-à-dire une espèce de haine et de rancœur contre le monde entier, mais qui l'a resté quand même encore de certaines manières enveloppé d'une reste de justification idéologique. Et en France, on n'a pas encore eu ce qui se reprochait le plus était le massacre à Nanterre, mais même là, dans ces cas-là, c'est plutôt proche donc, de celui du cas norvégien, donc c'était plutôt dans quelque chose qui avait encore quelques restes de justification idéologique. Alors, prenons donc... Götz Heisenberg est donc un personnage assez atypique, c'est quelqu'un qui a étudié la sociologie et donc qui a été influencé donc, par l'école de Francfort et aussi beaucoup par un autre auteur allemand assez important à l'époque, professeur de sociologie Peter Bruckner, donc je pense très peu connu, je pense un connu en France, mais qui peut-être mériterait également d'être traduit. Donc, et Heisenberg, il a cette particularité pour un auteur de gauche qu'il est psychologue des prisons, donc il travaille lui-même dans des prisons, il a croisé donc beaucoup de... Peut-être pas directement les auteurs de ses actes aussi, parce que, comme on l'a dit, ils se tuent en général à la fin de leur acte, mais il connaît quand même beaucoup qu'est-ce que c'est ce qu'on appelle la criminalité juvénile. On peut évidemment critiquer le fait qu'il travaille dans une prison, mais au moins il a tenté quand même d'en tirer quelques expériences utiles. Et donc il est devenu un peu, parce que malgré lui, donc un expert donc, de tous les nouveaux cas de tueries dans les écoles en Allemagne. Donc dès que ça arrive, on lui demande des commentaires. Aussi parce que c'est un des seuls qui tente quand même de donner une explication donc, sociale du fait. Parce que, en Allemagne comme ailleurs, chaque fois qu'il se produit une tuerie dans les écoles, donc la première chose qu'on demande, c'est plus de sécurité, disons, par exemple des rélévateurs de métal à l'entrée des écoles et d'autres propositions bidons. Où on commence avec la nécessité, par exemple, de détecter très, très tôt ces jeunes et de les soumettre à des thérapies préventives, ou d'autres recommencent donc avec la nécessité de rétablir la morale et l'autorité paternelle, etc. Donc Heisenberg est quand même si cela peut paraître assez surprenant, un des rares auteurs donc, qui tente de lire justement dans ces actes-là le symptôme d'une pathologie sociale. Mais juste, il ne le fait pas de la manière comme le ferait peut-être une marxiste vieille école qui dit « Ah, c'est la faute au chômage, c'est la faute à la manque de perspective économique pour les jeunes, etc. » Il tente vraiment de faire une lecture qui soit en même temps psychologique et sociale, donc il commence surtout déjà avec les conditions de la toute première enfance et la question si on peut encore acquérir dans la société capitaliste une condition minimale aussi pour avoir de l'empathie, une espèce de sens social, ou si au contraire, c'est sa thèse, le capitalisme de certaine manière mine ses propres bases, pas seulement en termes économiques, comme nous l'avons dit souvent ici, mais il mine aussi ses propres bases en éliminant ce minimum de vertus sociales sans laquelle, pratiquement à la longue, une société ne peut pas marcher. On va le voir un peu plus dans les détails. Donc, il fait d'ailleurs Donc recours justement à des termes comme le narcissisme ou aux théories psychoanalytiques de Melanie Klein, dont nous avons souvent parlé ici. Et il entend justement de voir comment le capitalisme, dit-il, dans sa phase actuelle, empêche ce que justement on peut appeler la naissance psychologique, la naissance psychique de l'être humain. Donc là, il est, même s'il ne cite jamais, je crois, Christopher Lesch, il est comme assez proche de Lesch. Donc, dans le fait que la chose la plus grave, et c'est le fait que une société marchande, une société basée sur le marché, d'une certaine manière, favorise toutes les tendances régressives de l'être humain. Elle empêche pratiquement, donc, ou surtout le développement de facteurs qui on doit acquérir dans la jeunesse et dans l'enfance pour empêcher que les tendances destructives prennent le dessus dans l'évolution humaine. Et donc là, il y a donc un peu une ère de famille avec ce que nous avons aussi vu chez Dufour et chez Lesch. Donc un peu ces trois auteurs qui d'ailleurs appartiennent à des cultures assez différentes et ont des origines culturelles assez différentes, donc arrivent quand même un peu à la même conclusion. En même temps, déjà aussi pour anticiper ma critique, il reste quand même, tous les trois, même Heisenberg, il lie trop fortement ce phénomène avec la seule phase néolibérale du capitalisme. Et donc il y a toujours cette idée que il y a la dérégulation de dernières décennies qui est la véritable cause de la poussée du narcissisme et donc même dans la forme extrême du narcissisme, donc la moque. Donc les analyses de Lesch et de Dufour et de Heisenberg semblent toujours parfaites dans leur description de la réalité, mais il reste quand même un peu trop court, je trouve, dans leur explication. Donc surtout, ils opposent d'une manière parfois assez explicite, comme chez Dufour, l'autre fois de manière un peu plus implicite, comme Heisenberg. Ils opposent donc le dérive donc de l'hypercapitalisme à une phase précédente qui, malgré tout, apparaît finalement, au moins en rétrospectif, comme quelque chose d'un peu plus supportable, donc un peu plus saine. Et alors là, et comme nous avons souvent dit ici, je crois qu'il y a une erreur de raisonnement. Donc il est tout à fait possible que l'époque fordiste, les conditions de vie étaient peut-être un peu plus supportables qu'aujourd'hui. Je ne suis même pas trop sûr, je ne sais pas. Mais la question est une autre. La question, il n'y a pas une rupture. Donc l'hypercapitalisme n'est pas une rupture avec le sujet fort et le capitalisme équilibré, par exemple, de l'époque fordiste ou du 19e siècle. Il n'est que la conséquence logique, parce que donc ce narcissisme, le vide et donc la abolition de tout ce qu'on appelle en psychoanalyse la relation objectale, donc est quelque chose qui est déjà contenu dans la structure marchande même. Donc on a ici beaucoup insisté donc sur le fait qu'on peut retracer cela même jusqu'à Descartes. Donc là où il y a l'argent, de certaine manière, le contenu est toujours condamné à n'exister que pratiquement comme une représentation de l'abstrait, et donc cet abstrait qui est le temps de travail abstrait. Donc cela, de certaine manière, on peut dans son noyau retracer cela même jusqu'à la fin du Moyen-Âge, au moins jusqu'au XVIIe siècle. Mais ça, justement, ça a pris des siècles et des siècles pour que cette structure de base se soit vraiment libéré d'une certaine manière de tout ce imbriquement avec les structures précapitalistes qui étaient encore décontenues. Paradoxalement, et ici je reprends un peu une thèse centrale de la critique de la valeur, paradoxalement le capitalisme a pu vivre jusqu'à ce que certainement il se nourrissait encore de la présence des structures précapitalistes, pas seulement au sens matériel, même au sens psychique. Au moment où le capitalisme a gagné complètement sa bataille contre ces structures, certainement, il est en train de s'abolir. Donc, c'est une véritable victoire de Pyrrhus, on pourrait dire en allemand, er hat sich zu Tode gesiegt. C'est-à-dire, il a gagné la bataille jusqu'à mourir. Parce que une société basée entièrement sur la. Sur, euh, sur la multiplication de la valeur, et donc une société basée sur la multiplication du vide. Et donc, il développe une société qui est, donc, où il devient impossible de vivre vraiment au plan social ou psychique. D'ailleurs, je pense que la critique de la valeur l'a bien démontré en termes de la critique de l'économie politique, mais si on veut, sur d'autres plans, toute l'école du Dom, donc le groupe du Maus, etc., dit un peu la même chose avec un plan plus empirique, un plan plus... et sur un plan plus de l'observation sociologique. Et donc le phénomène donc de amok, de violence extrême, de certaine manière, sont justement le moment où les exigences du marché, et donc tout ce qu'il comporte en termes d'adaptation de l'individu au marché, tout ce qu'on leur demande en termes de flexibilité, et en termes aussi d'efficacité au travail, où cela commence à influencer sur même sur l'éducation des enfants depuis les premiers jours. Donc cela commence finalement aussi à démanteler exactement les structures que les sociétés ont toujours créées justement pour empêcher l'irruption de cette tendance agressive. Alors ici, comme une chose importante, sans le dire explicitement, Heisenberg, Dufour et Lasch, ils partent comme, d'une certaine manière, ils partent quand même d'une vision plutôt pessimiste de l'être humain, donc ce qu'on veut dire est la vision de Freud. Tandis que beaucoup d'auteurs, si on dit à la critique sociale, ont souvent affirmé que l'agression dans l'être humain est quelque chose qui dérive des mauvaises conditions sociales, mais ne ferait pas partie d'une espèce d'héritage biologique ou anthropologique de l'être humain. Au contraire, donc, je veux dire, Heisenberg, Dufour et Lesch, certainement, ils acceptent quand même cette idée qu'il y a une bagage originaire de l'être humain, donc qui nécessite d'être, si on veut, qui nécessite d'être régulé ou domestiqué. Donc il y a quand même une... Et chez l'être humain, donc se forme un monde déjà très tôt des pulsions agressives très fortes. C'est aussi la théorie que nous avons vue chez Melanie Klein, donc aussi la scission que opère le petit enfant envers la mère et avec les parents, entre les parents bons et les parents mauvais. Et donc la véritable tâche de toute culture humaine, c'est justement de mettre un frein aux pulsions agressives et libidinales de l'être humain. Nous avons vu chez Dufour, par exemple, assez lié à la thématique de la barrière de l'inceste, donc qui selon Dufour commence à être démantelée dans la société de la consommation actuelle. Et chez Lesch, chez Heisenberg, ce sont essentiellement aussi les pulsions agressives, donc qui, d'une certaine manière, qui nécessitent d'être canalisées. Et d'ailleurs, pas reliées, mais canalisées surtout à travers leur mélange avec les pulsions libidinales, donc par exemple aussi à travers les liens avec des figures. Par exemple, comme classiquement les figures des parents et après donc d'autres figures du surmoi où les pulsions libidinales et agressives sont mélangées. Alors une observation centrale de Heisenberg, c'est justement qu'aujourd'hui la société prend directement en régie les individus. Donc le rôle de la famille a beaucoup diminué. Et donc des instances extra-familiales, donc classiquement, donc surtout les médias, la publicité, et donc commencent donc à s'occuper directement des enfants, mais évidemment, si déjà les parents ne sont pas nécessairement toujours parfaits en tant que parents, c'est comme beaucoup pire lorsque d'autres agences de socialisation commencent à s'occuper des enfants. Les cas évidemment extrêmes que j'ai déjà cités ici sont évidemment des chaînes et des télévisions conçues directement pour des nouveaux-nés, donc comme le Baby TV en Angleterre. Mais en général, donc on a Mais il est facile d'observer que la famille a perdu beaucoup de son poids par rapport à d'autres instances de socialisation. Par exemple, il y a beaucoup d'enfants qui, même avant d'aller à l'école, déjà, par exemple, passent beaucoup de temps avec des jeux vidéo. Donc, avec, par exemple, les valeurs, par exemple, transmises par des jeux vidéo, par exemple, peuvent absolument être appelées une instance de socialisation. Et donc, là, ce qui se forme dans cette circonstance, ce peut se former justement le phénomène qu'on appelle le borderline, donc les états limites. Donc le narcissisme, finalement, est une forme. Donc je vous rappelle, donc, le borderline est donc un individu qui va au-delà de la névrose. Donc la névrose, donc, c'est un individu qui a plutôt trop, le névrosé, c'est quelqu'un qui a plutôt trop de surmoi et donc qui refoule ses propres pulsions et donc qui, classiquement, donc, développe des symptômes névrotiques comme, évidemment, comme le phobie ou comme les tics ou d'autres choses. Et donc c'était le terrain d'élection de Freud. Donc la psychose, donc c'est quelqu'un, c'est psychotique, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre normalement parce qu'il a par exemple des hallucinations ou des états graves de paranoïa, etc. Et au milieu, entre les deux, justement, on a des états limites. Donc l'état limite, ce sont des personnes qui ont en vérité subi des traumas importants dans leur petite enfance. Et là, il souligne de manière assez opportune à Heisenberg, lorsqu'on parle des enfants traumatisés, il ne faut pas nécessairement penser à de la violence au sens étroit, des abus sexuels, etc. Il existe aussi ce qu'on appelle le trauma cumulatif. Donc, par exemple, le fait, par exemple, simplement de ne pas recevoir assez d'attention de la part de la part des parents d'une manière prolongée peut par exemple avoir le même effet ou peut-être même pire de celui qui a subi une fois par exemple une violence ponctuelle. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Heisenberg, il mélange des parties plus théoriques avec d'autres observations quotidiennes. Il décrit par exemple une jeune mère qui pousse sa poussette même avec un nouveau-né, mais en même temps, elle parle tout le temps à son portable, elle regarde à travers des lunettes de soleil. Et donc l'enfant donc, est occupé ou avec des choses qu'on le met dans la bouche ou avec des petites, comment s'appelle ce jeu, donc, qui sont mobiles, qui sont censées stimuler l'intelligence. Ce sont des situations donc, effectivement absolument quotidiennes, mais comme le dit Heisenberg, dans ces cas-là, une des choses les plus importantes de la première enfance, le contact visuel, par exemple, entre l'enfant et l'adulte, ne se réalise pas. Et donc l'enfant commence très tôt à s'habituer, par exemple, à une espèce de déprivation affective ou de recevoir de l'amour seulement à des moments prévus. Et d'accepter, par exemple, des gratifications substitutives, donc de passer l'enfant aussi très vite, par exemple, à des appareils, à des jeux technologiques qui, à la différence des parents, par exemple, sont toujours disponibles. Et donc la froideur bourgeoise, donc déjà Adorno parlait beaucoup dans les Minima Moralia, donc cette froideur bourgeoise, donc aujourd'hui a aussi largement envahi la sphère de la petite enfance. Donc en même temps les enfants sont toujours plus éloignés des expériences directes et physiques de la vie, comme une fois par exemple les gens de jouer dans la rue, on les protège de tout danger, on les protège dans leur propre bien évidemment de tous les malheurs, mais ils font justement souvent les enfants ce qui sont de plus en plus virtuels, hein. Et petite observation personnelle, moi, lorsque j'étais à l'école, je pense que j'étais un des rares enfants qui ne s'était jamais cassé un os en jouant. Mais cela ne me manque pas comme expérience. Je dis, c'était à l'époque quand je suis absolument faisais partie d'une enfance normale qu'une fois l'autre on tombait de l'arbre. Donc, je pense aujourd'hui, c'est un enfant qui s'est fait mal, donc pour peu qu'on ait mis tout de suite les parents en prison pour avoir manqué à leur devoir de surveillance, n'est-ce pas? Il y a donc aussi une élimination de toutes les expériences un peu fortes dans la vie et aussi de tout ce qui est où les enfants peuvent d'ailleurs défouler leur agression. C'est aussi une des raisons qui porte aussi à cette accumulation silencieuse de l'agression qui peut exploser dans le cas justement de la, du tueur fou. Et donc cette naissance psychique de l'être humain est donc gravement en danger dans un monde où la raison du profit ou la technologie donc ensemble sont trop présentes aussi dans la vie familiale. Donc naissance psychique, donc on l'avait déjà dit, donc d'une certaine manière, donc l'être humain naît trop tôt, donc d'une certaine manière il n'est pas encore vraiment prêt pour se concevoir comme une unité autonome lorsqu'il naît, et donc il faut dans un processus qui prend les premières années où le petit être humain commence vraiment aussi à accepter le fait de ne pas être uni à la mère. Donc on a quelque chose donc qui se déroule surtout entre le 9e mois et la 3e année, et donc est un processus est plein de dangers où beaucoup de choses peuvent aller mal. Ce n'est pas nécessaire que ce processus se déroule parfaitement, peut-être qu'il n'existe pas une perfection, mais il faut qu'il n'y ait pas de troubles trop graves. Justement, si on se refait aux théories de Melanie Klein, que j'ai déjà citées ici, donc dans un premier moment, l'enfant ne peut pas, donc il est plein de rage contre la mère, ou celle qui remplace la mère, pleine de rage contre la mère lorsque la mère n'est satisfait ses désirs et ses besoins. Le petit enfant ne peut pas concevoir que la même mère soit bonne et mauvaise, une fois et mauvaise une autre. Donc il développe dans sa tête pratiquement deux mères différentes, donc une mère toute bonne, une mère toute mauvaise. Et donc il y a un processus de scission. Donc il y a d'un côté tout est agression, et de l'autre côté tout est libido. Et justement, il est très important donc qu'après il y a une intégration. Donc c'est quelque chose qui arrive peut-être au deuxième année, que l'enfant donc se fait finalement aussi une idée plus réaliste des parents et à certaines manières accepte l'ambivalence. Donc accepte aussi le mélange de bons et de mauvais, d'agression et d'amour. Et peut donc, à partir de ce moment-là, rentrer aussi un peu dans la tête et dans la peau des autres et développer cette capacité qui est l'empathie, donc qui est absolument importante, évidemment, pour la vie sociale. Justement, ce processus, ce n'est pas dit qu'il se développe correctement. Il peut aussi, alors, s'il va complètement mal, l'enfant devant tout de suite est psychotique, mais au moins c'est visible dans ces cas-là, dans les traites, etc. Il arrive beaucoup plus souvent qu'apparemment les choses se passent plus ou moins bien, mais qu'en dessous de la surface, en vérité, l'enfant n'a pas vraiment dépassé ce stade. Ou surtout que quelque chose reste là, par exemple, cette disponibilité à faire une scission entre ce qui est absolument mauvais et ce qui est absolument bon, peut rester de certaines manières un peu comme une espèce dans un état de dormeur. Et donc, il peut être sujet au phénomène de régression. Donc, la régression, en vérité, ça veut dire que des processus archaïques, psychiques, sont réactivés plus tard dans la vie, dans des conditions particulières de stress. Et donc, c'est ce qui arrive, dans le cas de la tueur fou, de la amok, selon Heisenberg. Ce sont donc des personnes qui ont ou ces processus ne se sont pas bien passés. Et ou dans des conditions particulières, par exemple un échec scolaire, un travail qu'on a perdu, une rupture sentimentale, et surtout lorsqu'il y a une accumulation de cette expérience de frustration. Et ces individus, pour éviter une désintégration psychique complète, ils s'activent chez eux donc ces phénomènes archaïques de protection, et donc surtout. Donc, il y a cette haine sans borne du petit enfant qui réapparaît chez eux. Justement parce que le petit enfant, donc, il peut piquer des colères, des colères terribles, comme tout le monde le sait. comme Gabriel va le savoir. Ici, je ne savais pas, il cite une phrase de Saint Augustin à Heidelberg, il dit que ce que nous considérons l'innocence de l'enfant, en vérité, n'est que sa faiblesse. En vérité, l'enfant, peut avoir des rages terribles contre le monde entier. Ce que lui manque est la possibilité de la traduire dans un acte extérieur. Et justement, par exemple, le tueur fou, c'est quelqu'un qui fait une régression donc, à cet acte, à ce stade infantile, mais maintenant on adulte avec la possibilité, par exemple, d'actionner une mitrailleuse, donc qui ne doit plus se limiter à se jeter, par exemple, à se jouer contre les murs. Et donc, dans ces cas-là, donc le tueur fou reste évidemment un phénomène très rare à l'échelle mondiale, et n'est pratiquement que la forme la plus visible, la plus directe, d'une tendance à la régression qui est beaucoup plus répandue. Et qui est liée à des défauts de l'enfance. Mais justement, c'est là la force d'Heisenberg, ce ne sont pas des défauts, ce ne sont pas, disons, des troubles qui ont une origine purement individuels, qui sont liés seulement à une famille. Donc il y a une tendance sociale qui fait qu'il est devenu toujours plus difficile d'acquérir surtout la capacité justement de la symbolisation, de la sublimation et de la tolérance aux frustrations. C'est donc justement ce qui empêche que les tendances agressives trouvent toujours une expression directe. La symbolisation, la ritualisation de l'un côté, de l'autre côté, donc la sublimation, par exemple, dans une activité sportive, par exemple, nous pouvons dire, et en général, la tolérance aux frustrations. Donc, dans tous les cas les plus typiques du tueur fou, donc, ce sont toujours des personnes qui étaient des solitaires, qui avaient passé, avant de passer à l'acte, qui n'est pas spontané, donc qui ont passé de longues périodes, des mois, voire des années, à bouder, on pourrait dire, sur des torts qu'ils avaient subis, donc qui vivent surtout dans une situation de rancœur et de haine contre le monde, contre le monde entier. Donc où il y a donc ce potentiel infantile de haine qui se réactive et qui donc vivent dans une condition de solitude et qui en général s'exercent énormément donc aux jeux vidéo. Donc les jeux vidéo ont aussi le fait d'empêcher donc la naissance de toute empathie. Donc évidemment les autres personnes sont connues surtout en tant que ombre qui apparaissent sur un écran. Mais il serait un peu trop court, par exemple, de dire que c'est la faute aux jeux vidéo violents. Donc, il y a beaucoup de gens qui jouent aux jeux vidéo, même violents, sans passer à l'acte. Donc ici, la question est pourquoi dans certains individus, justement, les mécanismes qui normalement empêchent justement le passage à l'acte ne marchent plus. Et ici, justement, Heisenberg donc, établit donc, une lien avec la dérégulation capitaliste, surtout des dernières décennies, où toutes les structures, par exemple, intermédiaires, comme la famille ou comme l'école, donc ont perdu toujours plus d'importance, donc à faveur donc d'un monde extérieur donc qui joue directement et de manière anonyme donc aussi sur les pulsions régressives des personnes. Donc ici l'analyse de Heisenberg est tout à fait similaire par exemple à l'analyse de Dufour, même si je pense qu'il s'ignore complètement, hein. Donc il y a autre chose assez intéressant chez Heisenberg, il établit un lien avec la société du travail, donc avec toute l'histoire de la discipline donnée par le travail. Donc dans notre écrit, donc il résume un peu les autres études sur la violence avec laquelle on a imprimé d'abord la mentalité du travail aux individus, puis dans un processus qui a duré donc des siècles, donc nous avons parlé ici plusieurs fois. et qui donc a donné comme structure typique la carapace de caractère, donc parlait aussi Wilhelm Reich, donc des individus à laquelle on avait enseigné souvent donc vraiment à coup de bâton, donc de respecter les règles, de régler ses propres rythmes biologiques sur les exigences du monde extérieur, de ne pas prouver de la douleur et de ne pas hésiter d'infliger la douleur aux autres. Et donc dans les cas extrêmes, par exemple dans l'éducation militaire, donc où on crée des individus donc qui sont pratiquement sans aucune sensibilité, donc qui on humilie d'abord pour les enseigner, ensuite humilier les autres. Donc c'est par exemple le sujet du film de Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Et donc là, c'est une structure qui correspond, d'une certaine manière, si on veut, au capitalisme classique. Et en même temps, ces structures donc donnaient quand même encore un minimum de... c'est-à-dire de... tenaient encore un peu les individus. Donc le travail, donc... chez l'individu capitaliste classique avait été déjà intériorisé en renonçant à tous ces désirs spontanés, mais en même temps il donnait encore un minimum disons de container, donc c'était quelque chose qui empêchait la désintégration des individus et la sensation de se perdre dans le vide, dans un océan ouvert. Et voilà pourquoi donc la perte du travail, par exemple, est très souvent vécue pour les individus aussi de manière si traumatique, parce que son travail, il n'a pratiquement plus rien aussi qui peut contenir leur pulsion. Voilà aussi pourquoi beaucoup de... Et la perte du travail est aussi vécue souvent comme une trauma qui également pousse certains individus au suicide, ou d'ailleurs, comme vous avez vu ici, entre le suicide, entre le tueur fou, donc il y a quelque chose de très similaire, donc l'agression vers les autres, l'auto-agression, donc peut facilement changer de place. Donc ce qu'on trouve dans ces individus donc, qui ont grandi dans une société de marché qui ne connaît pratiquement aucun contenu, où on le demande aux individus de fonctionner, de se prêter donc, à des mécanismes. Donc ce que le résultat est une espèce de haine sans borne et sans sujet. Ce qui est donc différent, par exemple, de la violence classique. La violence classique était quand même adressée contre une oppression, et donc contre quelqu'un qu'on pouvait effectivement retenir coupable de son, du malheur. Tandis que la haine, d'ailleurs je vous rappelle, la haine était aussi le titre d'un film qui avait aussi beaucoup de succès dans les années 90, c'est-à-dire en tant que tel est lié à une sensation de vide et aussi souvent même à la tentative de trouver encore quelque chose dans le vide qu'on peut frapper, donc quelque chose que certaines manières qui offrent comme une espèce d'appui. Il semble qu'il y a Heisenberg, il cite aussi un article de Jean Baudrillard de 95, donc malheureusement je n'ai pas pu retrouver dans l'original français. Et donc une des formes typiques qui prend cette violence, c'est la violence aussi de l'extrême droite, donc la violence antisémite, xénophobe, homophobe, etc. Mais selon Heisenberg, tout le contenu, donc d'une certaine manière, reste d'une certaine manière toujours vraiment des masques. Ce qui est derrière, même contre toute forme de haine, contre un objet qu'on crée derrière, il y a surtout cette sensation du vide. Donc une haine qui en vérité est la conséquence justement de la peur. Donc c'est ce que déjà Freud appelait une peur fluctuante. Donc une peur donc, qui est pratiquement qui est la peur, qui est la peur de, justement des petits enfants. De se perdre complètement dans un monde sans repère, d'être abandonné par ses parents. Et donc, juste, donc, la, Donc c'est une espèce d'haine sans objet, donc une réactivation de cette peur, enfantile qui évidemment n'a pas pu trouver sa résolution correcte dans une structure familiale. Et si il y a donc une augmentation de cette forme de haine sans borne, c'est toujours selon Heisenberg, parce que justement les structures qui vont au moins limiter cela, comme par exemple le bon vieux caractère, donc qui peut ou le vieux, le moi, de plus en plus apparaissent pratiquement comme des facteurs qui dérangent dans un monde capitaliste qui maintenant est tout axé sur la flexibilité. Et donc, ce qui existait avant, donc, malgré tout, comme quelques formes de l'individu qui pouvait encore donner une certaine jugement aussi moral sur ce qu'on lui proposait ou pas, a tendance à disparaître face à des identifications immédiates de l'individu, donc avec ce que la société lui propose, donc surtout à travers la consommation, la consommation de marchandises. Et donc, si le moi est en train de se dissoudre, il y a donc une fragmentation de la personnalité, donc qui favorise dans certains cas donc l'apparition de cette tendance régressive où donc les structures de la première enfance donc font un retour. Je dis cas extrêmes sont justement les tueurs fous. Donc ça fait beaucoup de bruit lorsque cela arrive, et on peut dire que ça reste quand même des cas extrêmement isolés. Mais même si ce sont des cas isolés, il semble que quand même qu'après chacun de ces tueries dans les écoles, il arrive des dizaines et des dizaines après de personnes qui menacent de faire la même chose. Donc il y a une espèce d'effet d'imitation qui démontre que, je pense, on peut dire qu'il y a pour chacun qui les fait, il y a des milliers d'autres personnes qui rêvent pratiquement de faire la même chose, mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'arrivent pas complètement. Donc ici, après, donc je termine donc un peu sur ça. Donc nous revenons un peu à la question justement de l'abstraction sociale, donc justement qui a toujours été un peu au centre de toutes nos considérations ici. Donc le fait au cœur du capitalisme, donc, on ne trouve donc pas quelque chose de concret, on ne trouve pas une production d'objets, on ne trouve pas une appropriation des objets concrets de la part d'une classe dominante pour sa propre jouissance, mais on trouve une abstraction qui on peut dire autotélique, donc justement c'est la seule multiplication du travail abstrait et où tout élément concret n'existe pratiquement que comme une concrétisation de la réalité derrière qui est l'abstraction. Et voilà aussi pourquoi on peut dire justement que même tout ce que la haine prend finalement comme cible, que ce soit des immigrés ou des juifs ou des handicapés ou que ce soit simplement une n'importe qui dans la rue, etc., de certaines manières, justement là, ce sont toujours des concrétisations de l'abstrait. Donc l'abstrait qui est derrière est justement les vides créés par le fétichisme de la marchandise. Donc ce dont souffrent les individus, c'est surtout cette impression d'un vide. Et ici, je vais quand même faire une très brève excursus vers une autre piste qu'on va peut-être approfondir l'année prochaine, et c'est l'affirmation, je pense, le plus grand tueur fou de l'histoire était Adolf Hitler. Et ce n'est pas simplement une boutade dans le sens parce qu'il a été la cause de la mort des dizaines de millions de personnes, mais sans vouloir rentrer dans une thématique très complexe, on peut quand même voir que le nazisme n'avait pas de but rationnel. Je sais que les historiens ont beaucoup discuté sur ça, mais quand même, on peut je pense, sans risque de se tromper, affirmer que le nazisme n'était dans son essentiel, n'était pas une entreprise rationnelle de la conquête du monde pour jouir en forme de ce fruit, mais était donc... était d'ailleurs de manière croissante essentiellement une entreprise où il s'agissait de tuer le plus de personnes possible et pour arriver finalement au suicide collectif. Alors il existe, comme je dis, il y a beaucoup de discussions entre les historiennes, mais entre ce qu'on appelle les intentionnalistes et les autres qui s'appellent, je crois, les circonstancialistes. Fonctionnaliste, oui. Mais je pense, on peut sans aucun doute affirmer qu'au moins Hitler et son groupe restreint avaient pratiquement dès le début pratiquement conçu l'action même du nazisme pratiquement dans un but de pure destruction, et que pour, d'une certaine manière, évidemment inconsciente, le suicide et la déroute finale étaient probablement le véritable but. Donc on peut effectivement voir dans le nazisme, même dans sa manière de conduire la guerre, une espèce de tueur fou donc, qui pratiquement se veut venger du monde entier, donc qui veut tuer le plus de gens possible avant, pour finalement en finir avec un monde qui n'a pas de sens. Je sais que c'est un débat très grand, mais je veux au moins souligner ce parallélisme possible. Je vous rappelle quand même aussi combien le nazisme avait aussi... La victoire aussi du nazisme en Allemagne était aussi due à sa capacité de mobiliser des facteurs, des ressentiments et des rancœurs. Et donc, justement, à ces propos, donc, je vous rappelle donc, les théories de Moshe Postone, donc les théories. Ces théories sur l'origine de l'antisémitisme nazi et l'affirmation de certaines manières que les juifs étaient la personnification concrète de cet abstrait donc, qui est la valeur. Donc ce qui fait vraiment souffrir, donc, c'est l'abstraction de la valeur de la société, de la fétichiste, donc l'incapacité de tenir compte de la réalité des choses qui sont tous soumises à une abstraction. Mais on ne peut pas s'en prendre à une abstraction, donc on s'en prend finalement à ceux qui semblent incarner, qui semblent donner un corps visible à cette abstraction. Et là, on peut quand même faire un parallélisme aussi avec la haine du tueur fou qui également cherche finalement donc quelques éléments qui finalement semblent concrétiser. Donc ça rage contre le monde entier qui dérive finalement justement d'une socialité, d'une vie qui n'a pas marché parce qu'il n'a jamais trouvé certainement du concret, il n'a jamais trouvé du véritable amour, il n'a pas même, souvent aussi, il apparaît dans les biographies de ce tour fou, ils ne sont pas en général issus des familles autoritaires, au contraire, ils manquaient même de cette espèce de résistance du concret qui dérive même par exemple de l'autoritarisme. Donc il y avait donc ce qui apparaît parfois explicitement dans les déclarations de ce tueur fou, c'est justement l'impression d'avoir toujours vécu dans le vide, dans l'indifférence générale, donc sans même avoir quelqu'un avec lequel on pourrait à qui on pouvait s'opposer. Et je dis, peut-être vous demandez s'il se suicide, comment on fait pour le savoir. C'est le fait que la plupart de ces tueurs fous, en général, ils laissent des testaments, souvent sous vidéo, souvent ils annoncent même leurs actes sur des blogs internet, parfois ils laissent quand même des écrits, ils laissent des journaux. Ce sont quand même des personnes, justement parce qu'ils ont bien médité sur leurs actes, qui y tiennent quand même à expliquer donc d'une certaine manière que c'était une espèce de vengeance que ce qu'ils ont fait. Et donc dans les sociétés dominées par le fétichisme de la marchandise, donc finalement, tout concret n'existe pratiquement qu'en tant que incarnation, mais incarnation de certaine manière fugace de la seule réalité qui compte, mais qui en même temps qui n'est pas une réalité. Donc c'est l'abstraction créée par la valeur. Et voilà donc pourquoi donc l'angoisse profonde donc qui est créée par le vide finit donc finalement pratiquement pour se diriger vers ceux qui sont finalement au moins être quelque chose de concret. Après, il y a toute une série de facteurs culturels qui expliquent pourquoi certains objets, comme par exemple certains objets humains, comme par exemple l'immigré ou les juifs, retournent aussi, même à travers l'histoire, donc, comme le cible de cette rage contre l'abstraction. Et donc, bien, pour terminer un peu, laisser un peu d'espace au débat. Donc un peu le défi pour moi, donc dans ces deux ans du cours, était de faire de cette manière une espèce de double enrichissement. Donc d'un côté, d'aller au-delà de la critique de l'économie politique telle qu'elle a été élaborée donc, par la critique de la valeur sur la base d'une relecture de Marx, et de voir en quoi donc, les structures psychiques des individus, de cette manière, sont une conséquence directe de la structure de la valeur, pourquoi le narcissisme et donc la structure psychique qui correspond au fétichisme de la marchandise, et surtout dans sa forme complètement développée que nous avons vue dans la dernière décennie. Et en même temps, j'ai donc cité ici un certain nombre de sociologues et d'anthropologues contemporains, et qui souvent arrivent donc justement à des conclusions qui vont beaucoup au-delà du marxisme traditionnel, mais qui, de certaines manières, souffrent presque toujours du défaut d'avoir une compréhension assez limitée de ce que c'est le capitalisme, parce qu'il identifie quand même le capitalisme essentiellement avec la société libérale, sans voir que le capitalisme porté depuis le début, donc ça veut dire depuis des siècles, dans son germe exactement ce narcissisme qui simplement aujourd'hui est venu à la lumière après s'être débarrassé de tous les scories pré-capitalistes. Et à ce moment-là, donc, le moment de son triomphe définitif donc, risque aussi d'être le moment de sa ruine définitive, qui malheureusement risque aussi d'être la ruine de nous tous. Donc nous avons peut-être encore une demi-heure, donc je vous prie aussi pour cette dernière séance de signer. Donc Gérard, toi aussi, donc, tu as lu le livre d'Heisenberg, donc si tu veux donc ajouter quelque chose. Alors mieux, c'est que comme je n'ai pas été à votre séance et que je viens ici, peut-être que ce que je vais dire, beaucoup de choses que tu as dit. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu parles, tu as commencé par parler un petit peu de ce que Dufour rappelle et que toi-même tu as rappelé. En psychanalyse, il est clair que tu as parlé que pour Mélanie Klein, au départ, l'enfant ne fait pas la différence. Il y a d'une part une mauvaise mère, d'autre part une bonne mère, ce n'est que plus tard qu'il se rend compte que c'est en fait la même. Ouais. Enfin, c'est sur le côté, c'est le premier point. Le deuxième point que nous dit la psychanalyse, c'est qu'effectivement, et ça c'est Freud qui le dit, et Marcuse le reprend, à savoir que la société fabrique des névrosés. Nous sommes tous des névrosés. Pourquoi ? Parce que la règle sociale, c'est de dériver une partie de l'énergie sur le travail. En fait, la règle sociale, c'est que nous acceptions de renoncer à la satisfaction pour le travail. Traduction vers critique, on va renoncer à une satisfaction très pratique pour de l'abstrait. De l'abstrait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, troisième point, qu'est-ce que nous disons, nous, en tant que vers critique, du capitalisme de la société moderne ? C'est que la société moderne, c'est une société dans laquelle dominent les abstractions. C'est-à-dire que l'abstraction est plus réel que les choses, on va dire, pratiques. Et c'est vrai que ça se voit, par exemple, dans le travail. Le travail, finalement, on en parle en disant « qu'est-ce que tu vas faire plus tard ?» Le travail, c'est toujours désigné comme quelque chose d'abstrait, mais on ne parle du travail que de cette manière-là. Et on va essayer de donner une consistance à cette abstraction qui va devenir réelle. C'est-à-dire le paradoxe, c'est que nous vivons sous le règne d'un fétichisme, de l'abstraction, qui fait qu'effectivement, on va dire dériver une satisfaction fétiche sur une abstraction fétichisée par le système même. Et il est clair que ça, bon, la société moderne en crise fait que cette dérivation de la satisfaction fétiche sur une activité fétiche est en train de marcher de moins en moins bien. C'est-à-dire que de moins en moins bien, on accepte de dériver sur un travail, de trouver que le travail est en tant que tel gratifiant, ce qui est un mythe fétiche qui a été inventé depuis deux siècles à peu près. Et c'est vrai que là, on voit se craqueler, effectivement, là, on va dire le sujet moderne, qui effectivement prend confusément, je ne vais pas dire prend conscience, mais réalise confusément qu'il n'est que du vide. C'est-à-dire qu'en fait, il a investi comme satisfaction quelque chose qui n'est que de l'abstraction. C'est-à-dire qu'en fait, il va effectivement prendre obscurément conscience du vide qui est en lui. Alors c'est vrai que là encore, là, on va revenir un petit peu sur la psychanalyse. La psychanalyse explique que ce qui fait que le moi existe, c'est l'amour de la mère. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'amour de la mère qui fait que le moi existe. Et c'est-à-dire qu'en fait, la mère va permettre que le moi résiste à tout ce qui, dans la société et dans la vie concrète, va contester la puissance de ce moi. Et lorsqu'il y a un déficit d'amour maternel, je le dis de façon extrêmement simple, eh bien, le moi n'est pas construit. Ça veut dire en clair qu'il va y avoir une faiblesse de ce moi. Et que toute sa vie, celui dont le moi aura été définitivement trop faible, va rechercher. Et c'est vrai que là est le cœur du narcissisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce presque moi fragilisé est déjà en but à la crise actuellement, eh bien, il va se passer que ce qui va être la constitution du sujet moderne ne va plus tenir. Et le résultat, ça va être, on va dire, une régression. C'est-à-dire qu'on va retourner à ce que Mélanie Klein explique comme étant la conscience de la mauvaise mère et la rage du petit, à savoir qu'on va retourner à un stade antérieur à cette conscience qu'il n'y a qu'une mère. Et on va, par cette régression, laisser libre cours à cette rage aveugle qui va effectivement se manifester par la course à mort. Ah. Moi, je pense que la course à mort est une course aveugle et folle. Ah. C'est-à-dire qu'il me semble que, même si on trouve des raisons ou des causes de l'agression mortelle, à mon avis, c'est une folie. En fait, c'est un pur déchaînement de violence. Oui, mais moi, c'est intéressant que la mort n'est jamais spontanée. Donc, il y a aussi la froideur bourgeoise. Ouais. D'autre côté, il y a un côté d'efficacité, de prévision, donc de savoir sacrifier soi-même, etc., qui semble presque donc une parodie hypertrophique de toutes les qualités qui sont nécessaires pour réussir dans la vie professionnelle. Et donc ce n'est pas. Je suis pas convaincu que c'est un sacrifice. En fait, celui qui finit la mort par se tuer tue en fait ce qui est sous sa main. Ouais. Cette espèce de nullité, en fait, quelle est la nullité la plus proche de lui? Ben, c'est lui-même. Parce qu'en fait, il a commencé par tuer tout le monde, il se tue tout le monde, parce qu'en fait, il se rend compte que c'est zéro. C'est qu'en fait, c'est la conséquence immédiate du fait que le sujet moderne ne se tient plus, parce que la société moderne est en crise. Mais bien sûr, c'est aussi l'idée d'être superflu. Donc là, aussi, ouais. Voilà pourquoi suicide et homicide, dans ces cas-là, sont très proches. Donc, par exemple, si tout le fameux suicide chez France Télécom, évidemment, ce sont aussi des individus qui auraient très bien pu faire de la moque. Donc, c'est presque. Oui, mais c'est intéressant, ouais. Parce que l'esprit de France Télécom, c'est quoi? Sur des individus qui ont été nourris par le fait qu'il faut du travail, et que leur travail à France Télécom, c'est du travail, et voilà qu'ils réalisent confusément. Voilà. C'est confus. Que, en fait, ce travail, c'est rien. C'est pas une satisfaction. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, la satisfaction que procure le travail est une satisfaction fétiche. Et à partir du moment où, confusément, on se rend compte que c'est rien, eh bien voilà qu'on se rend compte que depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, on travaille à rien. On n'est rien. C'est Graeber. Effectivement, c'est terrible. Les bullshit jobs de Graeber, ça, c'est ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Le Les bullshit jobs de David Graeber. Ouais. Je dis, il y a des tas de gens qui sont occupés parce qu'il faut sauver l'idéologie du travail, mais ils ont conscience que finalement leur utilité réelle est à peu près nulle. Il dit qu'au bout de décennies, même on peut être bien payé, etc., mais on sent qu'on sert à rien. Ça fait, on se lève le matin, je fais sonner mon réveil, mais je sais que ce que je vais faire, ce qui va occuper ma journée, fondamentalement, on ne sert à rien, c'est du pur fétichisme pour sauver l'idéologie du travail. Non seulement le capitalisme est condamné à licencier pour augmenter le profit et la productivité, mais il est aussi condamné de façon relativement contradictoire à créer de faux boulots purement occupationnels pour maintenir l'idéologie du travail et distribuer un peu de pouvoir d'achat aussi, parce qu'il faut bien écouler ces marchandises. Je voulais faire une autre remarque. Si on était logique, on revenait les gens. Voilà, mais il faut lire, là, ceux qui l'ont produit, David Graeber, les bullshit jobs en français, c'est boulot de merde. Hein. Oui, c'est ça. Et il y en a beaucoup, et quand on parle avec des gens, moi je connais des gens bien payés, donc tu te demandes à quoi ça sert leur truc. Quoi. Mais tout travail est un travail, quand tu dis oui, de merde. Et notamment dans la fonction. Bon, je suis pour la défense des publics, mais dans la fonction publique territoriale, on a inventé des boulots dont on voit bien que c'est du clientélisme pur, c'est de l'occupation. Mais les gens ont le conscience. Dans la bureaucratie française, moi, la plus grande punition, ils veulent punir quelqu'un, c'est de ne pas lui donner du travail, oui, il y a un boulot, il reste pendant un an, six mois sans travail. Voilà. Et à la fin, il se déprime, ou il a une crise. Ça, c'est une punition des bureaucrates français. Oui. Mais il y en a qui sont devenus très malins, et moi je connais des gens dans la publique. La bureaucrate publique, oui, et privée. Il ne faut pas croire que la bureaucratie elle est que publique. Non, pas du tout. J'ai fréquenté des gens, mais je ne suis pas contre les fonctionnaires, mais dans la fonction publique territoriale, qui a un talent, un art extraordinaire pour être complètement débordé. Il y a quelqu'un qui a écrit aussi totalement débordé, une femme qui a employé débordé. Mais ils ont strictement rien à faire, mais quand on va le voir, ils sont absolument débordés. Et j'ai vu quel talent ils développent, etc. Moi, j'ai été un peu dans mes députés, et lu, j'avais 10 photocopies à faire, mais je n'avais pas prévenu 2 heures à l'avance, c'est une panique totale. Comment tu n'as pas prévenu 10 photocopies, on ne s'en sort pas. Mais ça marche. Et en plus, c'est un mensonge, mais comment dirais-je, je sais que je mens, tu sais, je dis le faux, tu sais que je dis le faux, nous savons que je dis faux, mais il faut continuer à jouer la règle du jeu. Je voulais faire une autre remarque, camarade maître. Une citation, vraiment de mémoire, c'est pas la bonne là, mais de Freud. Là où était le ça doit devenir le moi, et le maître d'œuvre, l'ordonnateur, la transformation du ça en moi, c'est le surmoi. Et il y a quand même un problème avec le surmoi dans nos sociétés actuelles, quoi. Le surmoi, c'est bon, le rapport à la mère absolument essentiel, mais le surmoi, c'est grosso modo les figures du père, de l'autorité, de la discipline, du travail, de l'armée, etc. Et j'ai cité un auteur qui a eu beaucoup de succès dans les 70, c'est Gérard Mendel, je pense que vous avez vu. Il avait écrit un bouquin dans les années 70, La révolte contre le père. Grosso modo, l'idéologie 68, il a interdit d'interdire, jouit sans entrave, etc. C'est une révolte contre l'autorité, contre le travail, contre les figures du père, etc. Donc, alors oui, et je me demande un peu si l'idéologie d'aujourd'hui, il y a le bouquin que vous avez cité aussi, Je veux tout de suite, etc., avec l'histoire du gang des barbares, etc. Le roman de Morgan Sporter. Oui, voilà, c'est exactement. Tout de suite et sans effort. Ça, c'est, malheureusement, je suis un peu de l'époque, mais c'est un retournement ou un avatar de l'idéologie 68. L'interdire, jouir sans limite, etc. Et on observe aujourd'hui que les satisfactions étant généralement virtuelles et fantasmées, etc., le tout de suite, il est interdit d'interdire, il n'y a plus de surmoi, on cherche à nouveau surmoi, etc., et on voit bien des choses, on peut dire, qui ne sont même pas immorales, elles sont amorales, puisqu'il n'y a plus de système de référence, il n'y a plus de surmoi. Je ne suis pas en train de défendre la société autoritaire et patriarcale, mais cette disparition du surmoi, il n'y a plus de... Où est le moi ? Où est le moi s'il n'y a plus de figure représentative, de modèle, de comportement, etc. Ça aussi, c'est du capitalisme. Je n'avais pas pour utiliser la psychanalyse, mais je la relis toujours de manière à réfléchir. Ce qui est assez frappant, c'est qu'en fait, ce que tu dis est juste, mais Marcus a expliqué que la désinformation répressive, c'était quoi? C'était justement de permettre des soi-disant libérations qui ne sont pas ne sont pas du tout des émancipations. Mais compatible avec le capitalisme. Évidemment. La désubilisation, en fait, c'est une variante. Ici, Heisenberg cite une phrase du Minima Moralia d'Adorno, malheureusement, je n'ai pas en français ici, mais qui est très bien à ce propos. Adorno dit, avec épouvante, on doit constater que déjà avant, lorsque on se opposait aux parents, parce qu'eux représentaient le monde, on était le jeune en vérité, et le représentant du monde pire contre le monde mauvais. Oui. Oui, l'âge de raison, savoir maintenant que tu es raisonnable, ça va bien agir pour se satisfaire, il faut se plier au principe de réalité. C'est tout simplement le principe de la valeur. C'est-à-dire que maintenant il faut être raisonnable. Ça veut dire quoi être raisonnable? C'est-à-dire accepter la loi de l'abstraction. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on retraduit à chaque fois de manière bien critique ce que disent certains penseurs qui s'appuient sur la psychanalyse, eh bien, à mon sens, c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'effectivement, ce que l'on peut désigner comme étant des névroses, des psychoses, des hypalimies, tout ce qu'on veut, on peut les relire et les réinterpréter vers Friedrich en disant que tout ça, c'est pas un hasard. Et si effectivement, il y a de la névrose, c'est parce qu'effectivement, on est en train de bourrer le mou aux gens en disant que c'est le travail qui vous donnera de la satisfaction, alors que c'est faux, c'est du fétichisme. Bon, alors maintenant, effectivement, c'est quand on peut en parler. Alors qu'est-ce que c'est que la psychose? Et Axel avait raison de dire que Freud n'y a pas touché à la psychose. C'est qu'effectivement, quand il y a possibilité de symboliser la chose, alors ceux qui arrivent à symboliser, ça va, ceux qui n'y arrivent pas, ça s'appelle des fous. Bon, et c'est vrai que les états limites, c'est ceux qui sont au bord de la folie, mais du bon côté. Quoi. Et c'est vrai que là, eh bien, on va dire que la société, tant bien que mal, arrive à maintenir le sujet moderne, à lui expliquer que se soumettre à la loi de la valeur, c'est satisfaisant, et que c'est bien, et que c'est la raison, et que c'est d'être adulte, enfin, toutes les variantes. Et lorsqu'effectivement, on n'y arrive plus, et on arrive de moins en moins, on arrive à Columbine, on arrive à tout ça, c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que on va dire toute la théorie moderne, le fétichisme moderne, savoir que t'es un homme, tu pleures pas, tu bosses, et tout ça, qui sont en fait des qualités qui sont rapportées au mâle blanc occidental. Et que ça arrive de moins en moins à tenir le coup. Et je pense que ça tiendra de moins en moins le coup. Tout simplement parce qu'effectivement, le système fétiche qui est entraîné par le monde moderne et qui est décrit assez correctement par la psychanalyse, même si ses explications ne sont pas toujours satisfaisantes, en tout cas c'est bien décrit, eh bien ça permet effectivement d'expliquer, et sans doute de manière extrêmement intéressante, ce qui se passe dans les cas où le sujet n'en peut plus, explose au sens strict. Moi j'aime bien ça, mais il ne faudrait pas refaire avec la psychanalyse ce que certains marxistes ont fait, les marxistes rigides, Staline, etc., à savoir du marxisme catastrophique. Sous le poids de ses propres contradictions, le capitalisme va s'écrouler, ça, vous avez entendu ça mille fois. Et maintenant, j'ai l'impression, mais je n'ai pas tout compris, que sur le domaine de la psychanalyse aussi, vous êtes en train de dire qu'il y aura telle contradiction interne ou malaise dans la civilisation, pour citer notre bouquin, etc., c'est une psychose que finalement le capitalisme est arrivé à ses limites. Moi, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les capacités de récupération en Marcus ou les contre-tendances du capitalisme. En termes économiques, déjà, parce que je crois que le capitalisme va nous vendre le médicament pour soigner la maladie dont il est la cause. Ça peut être un médicament vendu par un laboratoire, mais ça peut être aussi de la thérapie. Ça peut être aussi de la psychologie ou de la psychanalyse adaptative. Je ne dis pas ça pour être totalement pessimiste, mais un peu, on a l'impression qu'on est devant un mouvement inéluctable, on va vers le chaos ou une rédemption. Non, entre les deux, c'est l'espace de la politique, entre deux. Hein. L'action ça, et l'espace c'est de la politique. Ça et c'est pas ça. Moi, je pense deux choses. D'une part, c'est vrai que quand on lit Marx, et je ne suis pas marxiste, et j'assume très bien, quand on lit, mais ça amuse beaucoup parce que je le connais plutôt mieux que beaucoup de marxistes. Et en fait, quand on lit Marx, moi je pense, tel que je l'ai lu, alors que j'attends qu'on démontre le contraire, la critique de Marx inclut la crise. C'est-à-dire qu'en fait, la critique de Marx inclut une analyse de la crise. Oui. Bon, et lui. Donc il ne s'agit pas de mélanger une espèce de pessimisme ontologique avec le marxisme, il s'agit de dire que il est clair que ce que Marx nous dit de la marchandise de la société moderne est également quelque chose qu'il nous dit de la crise et pourquoi elle est définitive. Bon, maintenant, il faut confondre. La crise, c'est pas la crise, quand on en parlait il y a un siècle. Il y il y a un siècle, les marxistes disaient c'est la crise. La crise, Marx l'a cru deux fois, la révolution. C'est, ça va s'effondrer. Mais non, ça peut s'effondrer en 50 ans. Mais ça, ça va s'effondrer comment? C'est pas d'un seul coup, c'est pas le, d'un seul coup ça va s'écrouler, puis demain ce sera éventuellement. C'est pire que ça. C'est-à-dire qu'en fait, le capitalisme s'écroulera, oui. Car je pense qu'effectivement, la lecture de Marx nous démontre que c'est une lecture qui analyse la crise. Seulement, cette crise-là, c'est pas une crise qui va exploser. C'est une crise qui va avoir pour fonction et comme conséquence l'extinction totale des ressources naturelles et humaines. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est très différent. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire « oui, le capitalisme va se surmonter » ou bien « oh, le capitalisme va s'effondrer ». Je dis que le capitalisme est en crise et que cette crise, il ne s'en sortira pas, mais avant de mourir complètement, il va user tout le monde. C'est comme une bougie au fond. C'est-à-dire qu'en fait, il va user toutes les ressources naturelles. Alors c'est pour ça que je suis assez d'accord avec certains psychologues. Il va user toutes les ressources humaines. Et quand il n'y aura plus rien, plus rien, plus rien, il n'y aura que le désert. Alors effectivement, le capitalisme va s'éteindre lui-même, mais dans le désert. On ne va pas dans le désert, quand même. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, oui, c'est une crise. Oui, c'est une crise absolue. Enfin, moi, je pense qu'on est arrivé à la borne absolue. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut attendre les bras croisés. Parce que si on attend la bras croisée, on peut attendre encore 30 ans. Et dans 30 ans, il n'y aura plus de planète, il n'y aura plus d'humanité. Oui, oui, ça y est. Non, mais c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, dire qu'on croit à la crise, ça ne veut pas dire qu'on croit qu'il va y avoir une espèce d'explosion et que demain ce sera le socialisme. Ça, c'était limite il y a un siècle. Ce que je veux dire par là, c'est que dire qu'il y a une crise, ça veut dire que nous avons les moyens d'analyser la crise présente. Et nous avons les moyens de démontrer que la crise présente est une crise sans solution. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés. Parce que si on veut rester les bras croisés, oui, le capitalisme mourra, mais il mourra dans un désastre général. D'accord, je suis assez... Non, justement, parler des crises ne veut plus du tout dire qu'il y a une sortie positive à la portée des mains. Donc, justement, la contradiction, je le vois plutôt justement comme un iceberg, donc il commence à fondre peu à peu, et donc les ours polaires sont obligés à se limiter dans un espace toujours plus étroit. Mais justement, on souligne beaucoup le fait que le capitalisme est en train de brûler toutes les ressources matérielles, énergétiques de la planète. On dit justement, notre discours ici, c'est un peu de voir en quel terme il brûle aussi toutes les ressources psychologiques, toutes les ressources humaines. Donc, à cette manière, là aussi, en compromettant également toutes les possibilités futures de construire une autre humanité. C'est là le problème, justement, parce que. Et dans certaines tendances que nous avons analysées ici, on est en train particulièrement de casser des mécanismes d'humanisation, surtout dans la première enfance, qui existent au monde depuis des millénaires. Et donc là, on risque de faire des dégâts irréversibles, de même qu'avec, par exemple, dans le domaine des organismes génétiquement modifiés ou d'autres. Le problème est justement quelle humanité va finalement être le résultat de ces processus-là, donc, et qui pourra encore, encore se mettre à la tâche d'inventer quelque chose de meilleur. Quelqu'un a dit la femme est l'avenir de l'homme, mais là quand on parle de la mort, on parle de l'homme blanc, occidental, et on ne parle pas de la femme, là, comment ça se traduit là. Protection vis-à-vis de ça dans le cadre du capitalisme. Dans le cadre de bah, du capitalisme, quoi, qui modèle les individus et qui les rend fous, malgré tout, qui amène à des extrêmes comme ça. On parle essentiellement de tueurs fous, on ne parle pas de tueurs folles. Le capitalisme est pour les femmes, quand elles sont des hommes. Mais alors, justement, quelle traduction? Parce que est-ce qu'il y a une traduction? Moi, j'en ai jamais entendu parler de tueuses folles. Alors, on a. Non, Heisberg cite aussi quelques exemples, même si très mineurs, donc il y a aussi quelques filles qui ont qui ont fait des actes morts éclatants, parce que c'est arrivé quelquefois. Mais justement, on a souligné qu'ils sont très typiquement des mâles et jeunes. Et donc, c'est justement aussi au dernier répondissement, donc, justement, de la. Justement, du mal blanc et occidental. Il est aussi vrai, et je pense à ma connaissance, il n'a jamais eu des noirs. Donc, justement, donc, ces actes ne sont jamais commis par ceux qui, normalement, sont identifiés avec la délinquance. Et donc, ce sont toujours des gens de classe bourgeoise, jeunes, donc, qui n'ont jamais donné de problèmes. Donc, justement, l'exemple de la normalité parfaite. Parce que parce que les autres, ceux qui peuvent déjà, d'une certaine manière, se libérer peu à peu aussi de leur agression, normalement n'arrivent pas jusqu'à ces extrêmes-là. Donc voilà aussi, il insiste sur le fait, Heisenberg, que le Hamburg est largement limité aux pays nordiques et protestants, où le contrôle sur les émotions, sur l'agression, est encore beaucoup plus fort que dans les pays, par exemple, les Méditerranée. Il y a encore une tabou encore plus fort sur toute expression. Par exemple, vous savez, en Allemagne, même, par exemple, pendant une discussion, vous levez la main comme ça contre l'autre, elle peut vous dénoncer pour vous avoir menacé. Hein. Mais il y a quand même un élément qu'Heisenberg explique, et c'est pas un hasard si les phénomènes d'amok, enfin je dirais amok, apparaissent dans des sociétés de type protestant. Ouais. Et ça c'est lié avec la symbolique. C'est-à-dire qu'effectivement, à la différence des catholiques, alors là je parle sous le contrôle des gens qui me connaissent mieux, les catholiques ont des moyens de parler avec des prêtres. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a là quelque chose qui est dehors de la symbolisation possible. Ouais. Alors que le protestant, lui, si je veux dire, c'est directement avec Dieu, il se démerde, en général, plutôt mal. Quoi. Aujourd'hui, c'est difficile parce que comme j'ai vu en Italie, dans certaines églises que j'ai visitées, il y a une avis à l'entrée où on dit Dieu parle avec vous de beaucoup de manières, mais il ne vous appellerait jamais au portable, donc il est inutile de les laisser allumer à l'intérieur de l'église. Je pense que là, effectivement, il y a un rapport qui protège d'une certaine manière les cultures catholiques. Les catholiques ont inventé un truc génial qui coûte absolument pas cher, que les protestants ont, c'est la confession. C'est ça. Et du coup, il y a la possibilité de symboliser, de parler. Effectivement, cette symbolisation protège d'une manière très relative de la psychose, à savoir que dès le moment où il y a de la parole qui met les objets à distance, je ne suis pas écrasé par les objets. Et effectivement, c'est la différence entre les cultures de type catholique et les cultures de type protestant. Et ça, Heisenberg met bien le point là-dessus. À savoir que les cultures de type protestant n'ont pas cette ressource symbolique qui est un bouclier que, au moins, les cultures catholiques possèdent. Oui, ben, c'est aussi le fait que les sociétés protestantes sont la société où la discipline du travail s'est développée encore davantage qu'ailleurs. Et donc la discipline du corps, et donc aussi le fait de réprimer toutes ces pressions spontanées sont encore plus développées, et donc aussi le contraire extrême. Oui. Les auteurs d'Amok sont toujours des personnes qui n'ont jamais eu des faits de rix ou d'autres violences, etc. Donc c'est toujours l'excès d'autocontrôle qui finalement se libère de cette manière. Et c'est vrai, quand tu parles des puritains, enfin, c'est Weber qui explique que c'est pas un hasard si les protestants ont construit le capitalisme, ou si le capitalisme est essentiellement protestant, au moins au départ, parce qu'effectivement, les puritains disaient il faut produire, mais il faut produire non pas pour la satisfaction, mais pour l'accumulation. C'est-à-dire qu'effectivement, il fallait produire pour produire. Parce que c'était effectivement un geste purement religieux, et qu'il ne s'agissait pas de satisfaire comme les papistes qui faisaient les choses pour consommer et se satisfaire, il s'agissait de produire ad maiorem dei gloria. Effectivement, là, ça a été un processus qui est analogue à l'accumulation primitive du capital. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu accumules et tu travailles, parce que travailler c'est en même temps une rédemption, il faut voir le discours des puritains à l'époque, à savoir qu'il y a là quelque chose qui, on travaille et on ne consomme pas. Alors, évidemment, ils ne disent pas comme ça, et n'empêche qu'ils permettent l'accumulation primitive. Et justement, la même chose dans l'évolution de la violence. Par exemple, si je tue quelqu'un pour le prendre son portefeuille, ça peut être désagréable pour l'autre, mais c'est comme c'est pas un acte irrationnel, il y a comme une relation entre le but et le moyen. Tandis que ce qui augmente, c'est justement cette violence autotélique, et Heisenberg, s'arrête beaucoup sur les actes de violence dans les rues qui naissent souvent simplement des regards. Donc, justement, la chose typique, ça arrive aussi, je pense, dans la banlieue parisienne ou ailleurs. Donc, très souvent, donc, ce qui fait déclencher la violence, qu'est-ce que tu regardes donc, parce que le regard de l'autre, d'une certaine manière, fait exploser cette identité fragile. Parce qu'on est dans une situation de crise, c'est très difficile à tenir encore le sujet moderne. Ouais. Effectivement, le moindre truc, qu'est-ce que tu me regardes de travers et craque. Et donc là, la violence est, donc, est tout aussi son but comme finalement toute la production capitaliste, de certaine manière. Mais je suis bien le concept de mauvaise mère, c'est aussi la haine que le petit enfant sent en lui. C'est sa propre violence, ce qu'il sent en lui, il projette, et il dit comme le clivage est très difficile à supporter, il dit bah, moi je ne veux pas être mauvais. Donc il projette sur la mère, une mauvaise mère. Donc, c'est pour ça que quand il tue, le tueur vous tue, il Gérard dit en fait, s'il peut se détruire lui-même, ça c'est une haine, j'ai la contre lui. C'est exactement le concept de la Oui, mais il faut dire, je vais dire cela, la mauvaise mère n'est pas nécessairement une mère qui soit mauvaise dans la réalité. Oui, oui, donc, non, mais c'est bien la haine, c'est pas d'abord la haine de la mère en tant que personne extérieure, c'est la haine que l'enfant sent en lui. Oui. C'est une partie de lui qui projette à l'extérieur. Oui, c'est sa rage pour le pauvre. Chez l'enfant, la haine, elle est déclenchée par un facteur, généralement. Il n'a pas ce qu'il veut. Oui, mais le petit n'a pas toujours le sein. Non, mais c'est vrai que c'est ses problèmes de. Il le ressent, je veux dire, il ne le supporte pas chez lui, parce que ça fait un clivage. Il projette sur le C'est insupportable, ils sont ce fort. C'est sa mère. C'est ma mère, oui, je pense qu'on peut quand même terminer notre séminaire sur ça, parce que il faut aussi dire, nous n'avons pas tellement parlé que certaines choses. Pour moi, me semble maintenant tout à fait évident. Moi, je pense qu'ils ne sont pas du tout au niveau social. Alors, si nous disons que la société capitaliste n'est pas seulement une société injuste, il n'y a pas seulement des banquiers qui ont l'argent des autres, il n'y a pas seulement des guerres impérialistes, mais il y a aussi une régression des individus opérés par la logique marchande. Maintenant, peut-être pour nous, c'est devenu évident. Moi, je pense que même dans le sens social, donc cette thèse reste extrêmement minoritaire. Donc, à la limite, on fait une lien du genre entre chômage, peut-être, et violence, etc. Mais le fait même que les facteurs même de l'humanisation première sont entrés en crise à cause de la logique de la valeur du travail et de l'argent, je pense que cette thèse a encore beaucoup de difficultés pour être largement acceptée dans les sens humaines et au niveau quotidien. Et justement, comme j'ai dit ici, parce que et la conjonction entre la critique de l'économie politique et une lecture, entre guillemets, sociologique de la réalité reste encore largement à faire. Donc, là, il y a encore des études suffisantes. C'est une bonne raison, et c'est ma raison de lire des textes comme ceux. Mais il faut tout le temps les relire avec des lunettes d'interprétation. C'est sûr qu'ils décrivent très bien. C'est-à-dire, les meilleurs auteurs voient bien les choses. Ouais. Quand ils se lancent à la démonstration, c'est plus complexe, mais bon, ils ont bien vu les choses. Dans ce cas, par exemple, moi je pense aussi que Freud et Marcuse ont bien vu les choses. Oui, je trouve que quand même dans beaucoup des auteurs que nous avons examinés ici, que ce soit comme j'ai dit Lesch ou Heisenberg ou Dufour, mais aussi chez beaucoup d'autres, chez Ehrenberg, chez Boltanski, chez d'autres, il y pointe toujours une espèce de nostalgie de l'époque où le capitalisme était sinon bon ou moins supportable. Donc ça reste quand même très répandu, cette nostalgie des Trente Glorieuses ou du 19e siècle plutôt. Ce que je dis, c'est intéressant. Moi, j'ai écouté un tout petit peu les discours qu'il y avait, parce qu'on a voté pour l'Europe, et j'ai entendu des gens, des journalistes, qui disaient, choisir entre l'État-nation. Mais l'État-nation n'est plus viable, mais ça, il va choisir. C'est-à-dire qu'on peut effectivement rêver ou fantasmer un retour à un système qui a fonctionné à une époque, qui ne fonctionne plus depuis un moment. Donc il ne s'agit pas de choisir entre l'État-nation et autre chose, puisqu'il n'y a pas de choix. Sauf, effectivement, si on essaie de construire de manière fétichiste, alors c'est effectivement, il existe. C'est vrai que, par exemple, tous les souverainistes et autres machins, ils rêvent. Alors, il y a même des gens qui... c'est vrai qu'ils ont la nostalgie d'une époque où la notion d'État-nation était encore viable. Oui, il est clair que... Non, ça se démontre. Aujourd'hui, la notion d'État-nation, elle est obsolète. Donc, ils espèrent la reconstruction. Mais attends, les choses sont terribles. Pour en venir à l'histoire. Pour la Russie, tu vois. La Russie, son point de vue, c'est une démonstration. C'est pas une question de la société.